ta man sara prod. Tac, le temps passe, je suis là, je rame sa mère. J'ai fait l'effort, j'ai mis les formes à chaque étape, sa merde. La prod, je la frappe, ça m'aide. Je méfie comme elle de temps, on se méfie de pas mal de gens. Ici, chacun s'inquiète, et suis chagrin de la veille. Traverse l'averse si les rapports se gâtent. Je me fous des règles, je veux que les rapports se cabrent. Pousse, j'élabore ce tract, j'écrirai rien de sensé. Ça pue la drogue dans l'ascenseur, j'ai vu Gédane danser. Et comme un con, j'ai pris part, comme tout le reste de l'équipage. 14 balais, je découvre la fume et le commerce équitable. Mais déquitte-toi pour me demander des comptes. Cesse de jouer les cons, travail carré pour amasser les ronds. Faudrait inverser les rôles, tâche de sécher tes larmes. Jamais baisser les armes, quitte à transgresser les règles. Je découpe la prod, referme les caps, ce détail est carré. J'ai pas changé, j'écris mes textes, les yeux rouges écarlates. Je viens briser mes chaînes, marre de courber les chaînes. On a goûté l'échec, là faut compter les chiffres. Je veux tout graille, marre de leur part infime. L'avenir tient par un fil, du mal à voir demain sous une pute paraffine. On se fait rare comme une œuf caritative. La chronique solide comme la Dutch Qualitat. Yves, je refais ma life, pirate des 16 dans la caisse. J'arrive avec la taille, y'aura pas de reste dans l'assiette. A deux doigts de presser la chaîne, gars. Quand la mort t'emporte, tu deviens un chouette, gars. Bande de schméta. Y'avait son père quand on appelait à l'aide. Y'avait son père quand on rappait la merde. Sonner l'alerte, voilà la meute de clé par affamé. C'est le spell, y'a du seum, baisser la tête, ça va rafaler. Perds pas la face, si proche du précipice. Claque un saut de l'ange, joue de la falaise. Vois qu'il y en a qui me jugent quand je prends la parole confuse, je n'entends pas. Les rimes fusent pendant que la gare se consume dans le sandar. Et même si je garde les pieds sur terre, je prends la mauvaise cote en scred. Depuis que je monte à l'arbre, les serpents, sonnette morte en traître. Heureusement que les étoiles dans le ciel m'assagissent. J'ai le grand être fataliste, là je dois rendre fière ma famille. Les souvenirs étouffent, les pleurs, c'est le comble unanime. Le temps de mettre un joli bouquet de fleurs sur la tombe d'un ami. Je vois mes racines dans le tourment, c'est grave qu'on te perde ici. La vie n'a rien de facile, trop souvent le schéma se complexifie. Frollo, faut que tu captes le truc dans ma cova remplie de fumée. Mais peu, je m'utile une page de plus. Ça n'a pas de bon sens, mais la mise en scène passe. Il paraît que je fais du rap conscient, on m'a mis dans cette case. C'est triste à voir, mais ce désordre m'atrophie. J'ai vu ce schéma des milliards de fois, les roses fanent trop vite.